pas tôt. Vu d'un peu loin, c'est toujours beau. Ça ment, mais on y croit quand même. Et l'amour, c'est comme les bateaux. Pour quelques larmes, pour quelques larmes, pour un orage de comme l'air. Ça m'en rend.